les autres, aide-toi-même. Diplôme, mentalité corrosive, parole d'homme, personne ne ment. On lâche pas l'affaire, on doit trouver notre route, trouver notre voie encore une fois. Sans raison de persister, c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. Trois artistes, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Ma seule raison de persister, c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. Trois artistes, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Depuis tout petit j'ai trop choses à dire, trop choses à faire, trop de rêves à vivre, loin de cet enfer. S'il n'y avait pas ma soeur et ma mère, crois-moi frère, je serais déjà six pieds sous terre. J'écris ce texte sans queue ni tête, car dans ma tête, trop de défaites. L'heure n'est plus à la fête. Je trouve le bonheur dans l'alcool ou dans un pet. À la limite, entre les cuisses d'une vie bien faite. Non, je n'écris pas pour que les commerciales. Non, je n'écris pas pour faire du commercial. Je balance ce que j'ai sur le cœur. 3h du mat, je commate ma vie meilleure. Je ne suis pas le plus à plaindre, mais contre ce monde, je porte plainte. Mon souhait, mais va des loin d'ici. Loin de leurs médias et de leurs missiles. Tout simplement vivre, mais où l'endroit est indécis. Je ne sais que faire, trop d'échecs. Même pas un boulot pour approvisionner mes. Échec. Ce soir la seule lueur émane de ma cigarette. Je veille sur mon patrimoine l'équivalent de 6 barrettes. Ma seule raison de persister c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. Trois artistes, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Ma seule raison de persister c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. Trois artistes, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. La vie est faite de tentations illusoire et de promesses dérisoires. Tout ça se résume à l'espoir. L'espoir ça fait un bail que j'en ai plus. Je l'ai abandonné. Pourtant je suis le premier à en donner. Même si moi-même je l'ai paumé sans déconner. Ouais je suis le premier à déconner. Derrière mon sourire ma joie à la canner. Peut-être je finirai camé. Et pour ça tu peux me blâmer. Moi je demande qu'à être aimé. À défaut de voir aimer. Je ne désire plus. Ouais je m'accroche à des choses simples. Juste un but basique et un putain de sample. Je veux une femme qu'on ne choisit pas pour ses gros seins. J'ai besoin d'aide car mon destin se résume à un canon sur ma tempe. 3h15, je sens la descente du récard. Pour certains ça paraît tard, rien à foutre, je suis un couche-tard. Ou peut-être un insomniaque, ça je ne sais pas. Ce soir je me confie à toi, nous sommes si proches, pourtant la distance nous sépare. Ma seule raison de persister c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. 3h10, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Ma seule raison de persister c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter car je ne sais pousser l'écriture. 3h10, j'aurai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Le son s'éparpille, je veux goûter trop de choses qui ne se sentent pas par les papilles. Je ne suis pas toxicomane, je fume pour dilater mes pupilles. Peut-être pour y voir plus clair, peut-être pour fermer les yeux et ignorer cet enfer. Cette cage en fer qui m'enferme. Les barreaux sont invisibles mais la peine est bien visible. La mort est imprévisible sauf pour celui qui cible. Je récite mon rap comme une bible pour que ma peine soit audible. Ouais si tu galères frère à comprendre ma philo, c'est qu'il faut du courage pour donner vie à mon stylo. Voilà pourquoi mes mots bafouillent, car ce soir je rap pilo. Rap pilo. 3h10, j'serai d'un apéritif ou d'un gros pif. Chante ta peine, lâche ta haine, frère. 3h10, j'serai d'un apéritif ou d'un gros pif. Cette rage qui fait de nous des hommes, frère. Ma seule raison de persister, c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter, car je ne sais pousser l'écriture. 3h10, j'serai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète, mais je suis perdu, c'est mon seul kiff. Ma seule raison de persister, c'est ma famille et l'écriture. J'aurai pas défaut de savoir chanter, car je ne sais pousser l'écriture. 3h10, j'serai d'un apéritif ou d'un gros pif. Je sais que je me répète, mais je suis perdu, c'est mon seul kiff.